pré-éclampsie. Et donc, si vous avez, je suppose que vous avez déjà expliqué la pré-éclampsie, etc., au niveau des généraux. Aussi, pour ceux qui sont, vous êtes des internes, pour ceux qui sont dans des services de gynéco-obstétrique, normalement, la pré-éclampsie, c'est du pas quotidien. Il faut juste vous intéresser à elle. C'est une pathologie qui est très fréquente. C'est une pathologie très fréquente qu'il faut connaître parce qu'il faut savoir l'indiquer à temps, parce qu'elle peut mettre le pronostic maternel, non seulement maternel, mais aussi celui de l'enfant qui peut être en charge. Donc je vais essayer de vous donner une idée sur ce que c'est que la pré-éclampsie. Et je commencerai par voilà, cette planche. Cette planche qui est pour dire que, vous savez que les décès maternels, beaucoup de décès maternels dans l'année, il y a à peu près 500 000 décès maternels par an, et les femmes meurent de beaucoup de choses. Elles peuvent mourir donc d'hypertension artérielle, d'hémorragie, d'infection, et aussi des pathologies qui n'ont rien à, qui sont pas en rapport avec la grossesse, mais qui sont quand même aggravées par la grossesse. Et donc, si vous voyez ce papier, vous allez voir que les causes les plus importantes, là, c'est ce qui se passe en Afrique, ça, c'est l'Asie, ça, c'est l'Amérique latine, et ça, c'est les pays développés. Et donc, vous allez voir que l'hypertension, c'est ce que vous voyez en orange, ici, et c'est une cause de mortalité maternelle importante. Mais même si c'est une cause de mortalité importante, vous allez voir que le bleu, c'est l'hémorragie, c'est elle qui occupe actuellement la première place dans le monde. Et regardez l'hémorragie en Afrique, même si l'hypertension tue, l'hémorragie, elle a battu les records, et y compris dans les pays développés où nous avons 16% de mortalité par hypertension artérielle et 13% par hémorragie. Pour vous dire que c'est une pathologie très importante et c'est une pathologie à connaître et par tout le monde et ce n'est pas une histoire uniquement du spécialiste. Alors, si, avant de parler de pré-éclampsie, ça démarre, c'est de l'hypertension artérielle déjà. Et donc, vous allez voir que l'hypertension artérielle, elle complique 10% de toutes les grossesses. Généralement, elle est responsable de à peu près 20% de mortalité maternelle, mais aussi de 20% de mortalité fœtale et néonatale. Elle tue la mère, mais aussi elle tue l'enfant. Elle inclut c'est quoi l'hypertension artérielle de la grossesse? Nous pouvons avoir ce qu'on appelle une hypertension artérielle gestationnelle, et je vais vous donner les définitions. Comme on peut avoir une HTA chronique, comme on peut avoir une pré-éclampsie. Et là, retenez les trois entités, je vais vous donner les définitions après. En Europe, elle est fréquente, c'est 2 à 3% et 0,6% de forme sévère. Par contre, dans les pays en développement, l'incidence, c'est l'incidence des formes graves qui est beaucoup plus importante par rapport aux pays développés. Vous allez comprendre pourquoi. Pour la simple raison, j'ai mis en bas, c'est la mauvaise prise en charge. Elles sont très mal diagnostiquées, le diagnostic est fait en retard, et donc elles évoluent rapidement vers la sévérité, et c'est ce qui nous donne donc ces formes graves qui sont élevées. Alors, c'est quoi une hypertension? Donc la pré-éclampsie, c'est une pathologie maternelle qui est spécifique de la grossesse. Il n'y a pas de pré-éclampsie hors grossesse. Il faut qu'il y ait grossesse, il faut qu'il y ait... elle apparaît au deuxième, troisième trimestre, mais il faut savoir qu'il y a des cas exceptionnels où elle apparaît au premier trimestre. L'origine, elle est placentaire. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une pathologie spécifique de la grossesse. Il faut qu'il y ait un placenta pour qu'il y ait pré-éclampsie. Et elle existe même en dehors du fœtus, c'est-à-dire que lorsque vous avez une grossesse molaire, vous pouvez avoir une pré-éclampsie. Elle disparaît après l'ablation du placenta. Et donc, vous comprenez aisément que le seul et unique traitement de la pré-éclampsie va être l'extraction fœtale. Alors, pour faire une pré-éclampsie, il faut dire qu'il y a quand même certains facteurs de risque. Ce n'est pas toutes les femmes qui font une pré-éclampsie. Certains facteurs de risque donc, ont été retrouvés dans la littérature, mais vous pouvez ne rien trouver et la dame, elle fait quand même sa prééclampsie. L'âge supérieur à 40 ans multiplie le risque par 2. Vous avez l'obésité qui est actuellement retrouvée partout, la nulliparité, la grossesse gémellaire, les antécédents personnels. Si une dame a fait déjà une prééclampsie, elle va dans la grossesse ultérieure, elle aura 7 fois plus de chances de refaire une autre. Et si jamais elle a, il y a quelqu'un de la famille qui a fait une prééclampsie, et donc elle aura 3 fois plus de risques de faire une prééclampsie. Lorsque nous avons une pression artérielle systolique supérieure à 130 mm au premier trimestre, parce que généralement la femme enceinte elle est hypotendue par une vasodilatation généralisée, et lorsque elle se balade généralement à 8, 9, 10 de pression artérielle, et lorsqu'on démarre à 130 mm de mercure au premier trimestre, ça veut dire que c'est une dame à surveiller parce qu'elle risque de faire de l'hypertension après. Il y a la présence d'un syndrome des anticorps antiphospholipides qui fait le lit de la prééclampsie, la thrombophilie, et chez les femmes de race noire, ce n'est pas du racisme, mais les femmes de race noire, surtout l'Afrique, ils ont beaucoup d'HTA chronique, et donc c'est des femmes qui sont susceptibles de faire de prééclampsie pendant la grossesse. C'est ce qu'on appelle, on va la définir, une HTA chronique avec, sur laquelle se surajoute donc une prééclampsie. Une préopoténurie, ça s'appelle donc une prééclampsie surajoutée. Et nous avons le diabète aussi qui fait le lit de cette hypertension artérielle. Maintenant, on parle d'hypertension artérielle. À quel chiffre? Il faut savoir que pour dire que c'est une hypertension artérielle chez la femme enceinte, il faut avoir une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure. J'ai dit supérieure ou égale à 140. Et une diastolique supérieure ou égale à 90. Et ces deux chiffres doivent être retrouvés à 2 consultations séparées, ou 2 mesures, si vous voulez, séparées de 4 heures d'intervalle. 14-9, 4 heures après, on prend une autre tension. Si on retrouve le même 14-9, nous sommes en droit de traiter cette hypertension artérielle. Ou bien, si jamais vous prenez la pression artérielle et vous la trouvez d'emblée supérieure à 110 mm de mercure, là, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, vous avez le droit de le dire que c'est une dame qui fait de l'hypertension artérielle. Alors, pour dire, est-ce que c'est une hypertension artérielle gestationnelle, chronique ou une prééclampsie, il va falloir tenir compte de certains éléments. D'abord, le terme d'apparition. Et le terme d'apparition, notre terme d'apparition reste 20 semaines d'aménorrhée. La présence ou non de protéinurie et le niveau de la pression artérielle. Donc, 3 éléments qu'il faudra rechercher pour pouvoir classer l'hypertension artérielle. Et on va dire, alors, une HTA transitoire ou bien HTA gestationnelle, ou ce qu'on appelle une HTA de novo, c'est les 3 veulent dire la même chose. C'est une hypertension artérielle qui survient après 20 semaines d'aménorrhée. C'est pour ça que je vous dis le terme est important et le terme de 20 semaines est capital. Donc c'est une HTA qui survient après 20 semaines d'aménorrhée et disparaît 6 semaines après. Ça veut dire qu'on aura le droit de taxer cette hypertension artérielle d'HTA gravidique ou gestationnelle que 6 semaines après, parce qu'elle aura complètement disparu. On va dire que cette dame a fait de l'HTA transitoire. Qu'est-ce que c'est qu'une HTA chronique? C'est une HTA qui survient avant 20 semaines. Elle survient avant 20 semaines. Généralement, c'est de l'HTA chronique. Ce sont des femmes, soit c'est des femmes qui, peut-être qu'elles avaient carrément ces chiffres tensionnels élevés, mais elles ne s'est pas rendues compte. Donc, HTA chronique, c'est une HTA qui apparaît après 20 semaines. Après, nous avons ce qu'on appelle la prééclampsie. Et c'est la plus importante pour nous, parce que c'est considéré comme une maladie, beaucoup plus que des chiffres de pression artérielle. Alors la prééclampsie, elle apparaît après la 20e semaine, mais non seulement elle apparaît, c'est une hypertension artérielle qui apparaît après 20 semaines, mais aussi elle s'associe à une protéinurie. Et quand est-ce que cette protéinurie est significative? Lorsqu'elle dépasse ou elle est égale à 300 mg de protéinurie par 24 heures. Alors, pré-éclampsie, Définition, c'est une HTA après 20 semaines plus une protéinurie supérieure à 300 mg par 24. C'est la définition de la protéinurie, de la pré-éclampsie. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle pré-éclampsie surajoutée? Vous comprenez le mot de pré-éclampsie et le mot surajouté. Ça veut dire qu'on a une HTA chronique déjà chez la dame qui est connue. Après, en cours de route, elle voit apparaître une majoration d'une hypertension avec apparition donc de cette protéine. Et lorsqu'on a une hypertension avant 20 semaines sur laquelle ce surajout vient se greffer une protéinurie, c'est ce qu'on dit pré-éclampsie surajoutée. C'est des définitions qu'il faut absolument retenir, c'est des définitions internationales que vous devez faire pour voir la part des choses et différencier entre HTA chronique, une HTA gestationnelle qui mérite probablement uniquement un traitement antihypertenseur et une pré-éclampsie qui est une maladie générale endothéliale qu'on va voir tout de suite et qu'il faudra, surveiller correctement. Maintenant, il y a pré-éclampsie et pré-éclampsie sévère. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la modérée, il y a la sévère. Mais sachez que la modérée, c'est juste une étape. Tout de suite, elle va passer à la sévérité si jamais on ne la diagnostique pas à temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pression et une pré-éclampsie sévère? C'est une pré-éclampsie, comme on l'a définie, après 20 semaines plus la protéinurie, mais qui a l'un des critères suivants. Alors, elle est sévère si nous avons d'emblée une pression artérielle supérieure ou égale à 160 mm de mercure et au haut une diastolique supérieure ou égale à 110. Déjà, on va taxer cette hypertension de sévère. Maintenant, si on a une oligurie, une créatinine élevée ou une protéinurie, pas à 300 mais plus de 500. Là, on va dire que c'est de la pré-éclampsie sévère. L'OAP, si la malade fait un OAP ou bien elle fait une barre épigastrique persistante, c'est-à-dire une douleur épigastrique en barre qui persiste ou bien associée à un syndrome, c'est une dame qui a fait de l'éclampsie, des troubles neurologiques rebelles, c'est-à-dire des femmes qui ont des troubles visuels, des réflexes ostéotendineux polycinétiques et des céphalées. C'est les femmes qui ont une thrombopénie inférieure à 100, c'est les femmes qui font un HRP ou un retentissement fœtal. Tous ces éléments permettent de dire que c'est de la pré-éclampsie sévère. Et quand vous avez, du moment que vous avez un élément qui vous dit que c'est une pré-éclampsie sévère, ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir extraction fœtale. Maintenant, quelques éléments de physiopathologie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une grossesse normale et qu'est-ce qui se passe dans une pré-éclampsie? Dans une grossesse normale, regardez, il y a de la vasodilatation profonde impliquant l'endothélium. Vasodilatation profonde, pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation des hormones, des prostaglandines vasodilatatrices. Chez une femme enceinte, nous avons... Il y a généralement, hors grossesse, il y a un équilibre entre les prostaglandines vasodilatatrices et vasoconstrictrices. Chez la femme enceinte, il y a la balance, elle tend plutôt vers les prostaglandines vasodilatatrices. Ça nous donne une vasodilatation généralisée. Pourquoi? Parce que c'est un organisme qui se prépare à alimenter une nouvelle entité qui est l'entité fœto-placentaire. Il y a un placenta à alimenter. Il y a un fœtus à alimenter et l'organisme de la femme enceinte doit s'adapter pour ça. Donc, vous avez une vasodilatation profonde et vous avez des vaisseaux qui vont être beaucoup plus des canaux plutôt que des vaisseaux qu'on connaît normalement, ce qui va donner une augmentation du débit cardiaque. Il y a une diminution des résistances vasculaires et une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, une sensibilité aux hormones qui est diminuée et nous avons des augmentations des enzymes, la monoxyde d'azote synthétase, augmentation des prostaglandines vasodilatatrices et aussi, il y a cette fameuse hormone relaxine qui est sécrétée par le placenta et qui a aussi pour rôle une vasodilatation. Il y a apparition de ce qu'on appelle des facteurs de croissance. Le facteur de croissance, donc le VGF et le PGF par le placenta, ce sont deux facteurs qui vont venir pour essayer donc d'aider à la croissance vasculaire et bien sûr pour essayer d'alimenter cette unité photoplacentaire. Qu'est-ce qui se passe dans une prééclampsie ? Dans une prééclampsie, il y a disparition de cet état de vasodilatation. Il n'y a plus de vasodilatation et c'est remplacé par une vasoconstriction. Cette vasoconstriction qui va expliquer déjà cette hypertension artérielle. Mais sachez que l'hypertension artérielle n'est qu'un élément, un symptôme de la maladie et non pas l'élément clé. Donc, il y a une augmentation de la réactivité accrue au vasoconstricteur. Elle va réagir encore aux hormones. Complications artérielles, dans ce cas, il y a une diminution du débit cardiaque et des résistances vasculaires qui vont être augmentées. La production de la NO, elle est bloquée. Et nous avons, au lieu de la prostacycline, on aura bien sûr l'endothéline et le thromboxane qui vont prendre le dessus. Et ce sont deux prostaglandines qui sont franchement vasoconstrictrices. Et donc, il y a un déséquilibre entre ces prostaglandines, ce qui va donner une tendance thrombotique. Donc, il y a une agrégation, une activation plaquettaire. Et dans les formes sévères, nous avons une activation de l'hémostase. Alors, dans la prééclampsie, il faut distinguer deux ordres. Il y a deux. Pour dire, il y a deux prééclampsies. Il y a une qui est précoce, ce qu'on appelle le type 1. Elle apparaît avant 34 semaines et c'est la plus dangereuse. Et il y a la deuxième qui est tardive, qui apparaît après 34 semaines. Et dans les deux formes, elles ont une origine et mécanisme et un pronostic totalement différent. Déjà, une qui apparaît à 34 semaines, juste elle apparaît, nous avons le droit de faire une extraction foetale parce que c'est un fœtus qui est viable et qui arrive à terme. Par contre, la première, on est guetté par la prématurité. Alors, la tardive, celle qui survient après 34 semaines, il y a une interaction entre un placenta qui est normal et une anomalie du lit vasculaire de la mère. Donc le problème, il n'est pas dans le placenta, le problème, il est dans le lit, les vaisseaux de la mère qui sont défaillants. Si la mère elle a une vasculopathie, elle est favorisée par des facteurs de risque, c'est la dame diabétique, l'hypertendue chronique, celle qui a un IMC élevé et bien sûr l'âge retardé. Qu'est-ce qu'elle fait, la vasculopathie, cette atteinte des vaisseaux de la mère? Elle entrave bien sûr le développement de la vascularisation en fin de grossesse à des besoins photoplacentaires qui sont accrus. À la fin de la grossesse, nous avons une unité photoplacentaire qui demande plus, parce qu'au fur et à mesure, elle croît, et elle demande plus, et donc ces artères de la mère qui sont défaillantes ne peuvent pas subvenir à ses besoins. Et son retentissement fœtal est minime parce qu'elle est tardive. Par contre, la première, elle est spécifique de la grossesse et donc il y a une anomalie du remodelage vasculaire. Ça commence très tôt pendant l'invasion donc des artères utérines par le cyclotrophoblaste. Il y a, elle va entraîner un dysfonctionnement endothélial généralisé. Ça veut dire que tous les vaisseaux de la mère, là où il y a un vaisseau, il va être touché. Là où il y a un endothélium, il va être touché. Elle survient bien sûr sur des vaisseaux maternels qui sont sains. Elle a une composante génétique et familiale, puisqu'on a dit que la prééclampsie, lorsque la femme déjà a des antécédents dans la famille, elle a beaucoup plus de risques que les autres de faire une prééclampsie. Celle-là, elle menace le pronostic maternel de la mère. De la mère. Alors, physiopathologiquement, qu'est-ce qui se passe? Et là, physiopathologiquement, et je parle de la prééclampsie précoce. La deuxième, généralement, elle ne pose pas beaucoup de problèmes. On est à 30 secondes, on fait l'extraction, un point final. Sinon, la première, celle qui est la précoce, celle qui apparaît avant 34 semaines. Alors, C'est une endothéliome, bien sûr, c'est une maladie de l'endothélium maternel, et vous comprenez que c'est une maladie généralisée. L'origine placentaire, elle survient au cours de la grossesse. Là, je l'ai déjà dit, elle disparaît après l'ablation du placenta. Et généralement, nous avons deux phases. Elle va évoluer en deux phases. La première, c'est qu'il y a d'abord une placentation anormale. Ça commence par déjà la placentation et c'est un problème de remodelage des vaisseaux utérins, ce qui va nous donner un dysfonctionnement de ce placenta. Un dysfonctionnement placentaire va nous donner une ischémie placentaire. Donc c'est un placenta ischémié, hypoxique. Ensuite, ce placenta ischémique, il va donc essayer de... Ce qu'il va faire, c'est libérer dans la circulation maternelle des produits, des éléments toxiques qui vont aller dans la circulation maternelle. Et ce sont ces produits dans la circulation maternelle qui vont léser l'endothélium maternel. Alors, regardez ce qui se passe. Là, c'est en dehors de toute grossesse. Regardez, ça, c'est les artères spiralées de l'endomètre. Ça, c'est un myomètre, ça, c'est un endomètre, ça, c'est, on est hors grossesse. Regardez les artères, comment elles sont. C'est ce qu'on appelle carrément les artères spiralées de l'utérus. Quand il y a une grossesse normale, regardez ce qui se passe. Voilà nos artères, il reste un bout ici. Regardez ces artères qui vont perdre carrément leur aspect habituel. Ils vont être envahis par le cytotrophoblaste. Et ils vont être envahis. Et regardez le calibre de ces vaisseaux. Par contre, dans la prééclampsie, ces artères, regardez, cette invasion, elle va être incomplète. Ça va s'arrêter ici. Et regardez les artères qui vont garder leur état normal. Ce sont des artères qui ne pourront jamais alimenter une unité fœtoplacentaire jusqu'à la fin. Donc, c'est une invasion, ce qu'on appelle une invasion incomplète. Alors, si je prends la grossesse normale, c'est exactement comme tout à l'heure, mais c'est juste pour dire ce qui se passe. Alors, regardez ces vaisseaux qui sont dilatés, ces vaisseaux qui ont été envahis correctement par le cytotrophoblaste. Leur diamètre est augmenté, les résistances sont diminuées, et bien sûr, le débit utéroplacentaire il va être élevé. C'est des vaisseaux qui vont perdre leur tunique musculaire, aucune réponse aux vasoconstricteurs, et il y a un remodelage par les facteurs angiogéniques, c'est-à-dire ce VGEF et du PGEF du placenta. Ensuite, lorsqu'il y a un défaut d'invasion et une invasion incomplète, nous avons assisté à une augmentation des résistances vasculaires, à un débit utéroplacentaire qui est diminué, donc un débit utéroplacentaire diminué, ça va vous donner de l'hypoxie placentaire. Et dans ce cas, ces artères vont garder leur tunique musculaire, elle est conservée, ils vont avoir une réponse aux vasoconstricteurs, et il n'y a pas de modification vasculaire, et bien sûr un défaut de remodelage vasculaire et un pouvoir angiogénique inadapté. Les facteurs angiogéniques ne peuvent pas faire correctement leur travail. La deuxième étape, puisque la première c'est une placentation anormale par défaut d'invasion traumatique, la deuxième, on arrive de ce placenta ischémique, ce placenta hypoxique, on arrive à l'altération de l'endothélium maternel. Et quand on dit altération de l'endothélium maternel, c'est en fait, c'est ça l'apparition des signes cliniques chez la mère. Pendant l'invasion, avec tout ce qui se passe, le défaut de remodelage, tout ce qui suit, il n'y a aucun retentissement, on ne verra rien du tout chez la mère. Et donc, lorsque on découvre la maladie, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Les dégâts sont faits. Alors, deuxième étape, j'ai dit que dans la libération, dans la circulation maternelle, il y a une libération de ces produits toxiques par ce placenta ischémié. Qu'est-ce que ça va faire? ça va déclencher une réaction inflammatoire. Vous savez, tout ce qui est dans l'organisme, il y a ce déclenchement de cette réaction inflammatoire. Et même dans une grossesse normale, il y a une réaction inflammatoire qui est déclenchée, mais elle n'est pas exagérée. C'est pour ça que vous allez voir certains éléments de l'inflammation qui sont élevés chez la personne et qu'il faut savoir interpréter. Vous allez trouver une activation du pôle nucléaire qu'il faut savoir très bien interpréter une hyperleucocytose chez une femme enceinte. Il ne faut pas prendre toute hyperleucocytose chez une femme enceinte comme étant une réaction. Donc, il y a une réaction inflammatoire. Dans la pré-éclampsie, elle est encore plus exagérée. Avec production donc des polynucléaires et production des cytokines pro-inflammatoires, c'est ce qu'on appelle une décompensation inflammatoire de Redman. Redman, pourquoi c'est lui qui a donné le premier appellation. Il y a un stress oxydant qui est déclenché avec l'augmentation des lipides oxydés, augmentation des radicaux libres, diminution des antioxydants et bien sûr, ça aboutit à de la dysfonction endothéliale généralisée. Et dysfonction endothéliale généralisée, c'est comme on vous a dit dans le sepsis sévère qu'il y a une réaction inflammatoire généralisée et que ça donne une défaillance multiviscérale. C'est exactement la même chose dans la pré-éclampsie. D'ailleurs, elle est assimilée à ça sans bien sûr qu'il y ait d'infection. Et il s'ensuit bien sûr, on aura de la vasoconstriction généralisée, de l'hypertension artérielle, une activation de l'hémostase, et une déséquilibre des prostaglandines. Il y a aussi ces histoires de facteurs angiogéniques, ils apparaissent pendant la grossesse, qui ont pour rôle c'est quoi? C'est bien sûr, ils sont produits par le placenta, ils assurent une croissance placentaire, ils sont responsables donc de cette vasodilatation systémique, et ils vont se lier à ces facteurs angiogéniques. On se lie à des récepteurs qui sont angiogéniques, anti-angiogéniques, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça des facteurs entraîner l'accroissement, sinon ça va être incontrôlable. Il y a toujours des inhibiteurs, et donc les inhibiteurs, c'est les facteurs anti-angiogéniques. Justement, dans la pré-éclampsie, ces inhibiteurs ou ces facteurs anti-angiogéniques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se lier, ils sont surexprimés, et ils vont surexprimer, ils vont essayer de lier tous les facteurs angiogéniques. Et donc, ils vont lier tous les facteurs angiogéniques. Il s'ensuit donc la conséquence, c'est qu'il y a très peu de facteurs angiogéniques qui circulent. Et donc, vous comprenez que la croissance, elle va être vraiment très diminuée. Alors, maintenant, je vous ai dit que l'hypertension artérielle, c'est un élément comme les œdèmes, comme vous allez voir les céphalées, comme les troubles visuels. Alors, on explique par quoi l'hypertension artérielle? D'abord, par la diminution des vasodilatateurs. Nous avons des prostaglandines vasoconstrictrices qui prennent le dessus. Nous avons une augmentation de la réactivité vasculaire à l'angiotensine 2 et une augmentation des cytokines qui vont altérer le tonus vasculaire. Aussi, il y a aussi l'ischémie placentaire, elle est responsable de l'hypoxie fœtale chronique avec l'oligoamnios, le retard de croissance intra-utérin et la souffrance fœtale aiguë. Donc, ce placenta, non seulement il retentit, il va libérer des choses, il retentit sur l'endothélium maternel, ça vous donne cette dysfonction généralisée, mais aussi, il est censé alimenter un fœtus, et un fœtus qui n'est pas correctement alimenté, il va être un retard de croissance, c'est des petits poids de naissance, c'est des fœtus qui font de la souffrance chronique pendant toute leur croissance. Et il y a de l'hypoxie fœtale avec souvent de l'oligoamnios. Et une oligoamnios, vous savez très bien que c'est une diminution du liquide. Et quand il y a très peu de liquide, on peut avoir une mort in utero. Donc pour schématiser ces histoires, ça commence par un défaut d'invasion des artères utérines, des artères spiralées, un défaut de remodelage. Ça va donner de l'hypoperfusion et donc au niveau du placenta, dysfonction placentaire avec libération de ces éléments toxiques dans la circulation maternelle. Et ça va donner ce qu'on appelle la maladie endothéliale, maladie endothéliale chez la mère, qui va donner comme clinique, signe clinique, vous avez l'acheté à la protéinerie, le HELLP syndrome, la CV, l'éclampsie. Chez l'enfant, on aura, c'est l'histoire de retard de croissance intra-utérin, la souffrance fœtale, la mort fœtale in utero, avec un placenta qui est hypotrophique et il est siège d'un infarctus. Donc regardez, tout ceci avant l'hypoperfusion, avant la dysfonction endothéliale, entre la 8e semaine et la 16e jusqu'à la 20e, toute cette étape où les choses se font, eh ben, on ne verra rien du tout. C'est pour ça que quand on a la femme qui fait sa prééclampsie, les jeux sont faits et c'est trop tard. La maladie, elle est installée et généralement, on ne peut rien faire que de faire du symptomatique. Donc, si je la reprends, cette maladie endothéliale, elle va retentir sur le système nerveux central, c'est l'éclampsie. Le cardiovasculaire, c'est l'histoire d'hypertension artérielle. On aura de l'albuminurie, le HELLP sur le foie, l'OAP, la CIV et le retard de croissance intra-utérine. Et donc, vous devinez que là où il y a un endothélium, il va être lésé. Quelles sont les complications viscérales? Les complications viscérales, je vais vous donner donc une forme grave, ça veut dire qu'il y a lésion viscérale, ça c'est sûr. Alors, l'atteinte cardiaque, le cœur est touché, comment il peut être touché, il se manifeste par un OAP, une défaillance ventriculaire, donc généralement à un stade tardif. C'est l'OAP. Alors, quand est-ce qu'on a un OAP chez la prééclamptique? L'OAP chez la prééclamptique, on peut l'avoir chez les femmes qui font par exemple plus âgées, mais toujours en activité génitale. Les femmes plus âgées, multipares et qui ont des HTA, de l'HTA chronique. Généralement, c'est un cœur qui est déjà fatigué. Là, ce sont ces femmes qui vont faire facilement un OAP au cours de leur prééclampsie. Sinon, ce sont au cours du postpartum, toutes les prééclamptiques dans le postpartum peuvent faire un OAP. Et pourquoi? Parce que dans le postpartum, physiologiquement, une fois que la femme accouche, il y a une redistribution des liquides dans l'organisme. Tout ce qui était dans l'interstitium, surtout ce que vous avez vu, comme les œdèmes, l'œdème, tout est dans l'interstitium. Une fois que ces femmes accouchent, tout cette eau va revenir en intravasculaire et donc elle peut déborder facilement. Et vous allez voir que ces femmes, en post-accouchement, elles font de la polyurie. C'est justement pour éliminer cette eau. Dans la prééclampsie, ces femmes, si jamais on rajoute un remplissage, parce que la logique voudrait que c'est des vasoconstrictions généralisées, on dit vasoconstriction généralisée, ça donne de l'hypovolémie, et l'hypovolémie, généralement, on se dit, on va remplir. Attention, le moindre remplissage, si c'est pas enceinte dans le postpartum, vous allez provoquer un noir. Et généralement, on préfère les laisser sur le versant sec. Alors, donc il y a cet OAP qui est hémodynamique, et aussi un autre OAP, c'est l'OAP lésionnel, par diminution de la pression osmotique. Et on a dit que prééclampsie, c'est HTA plus protéinurie, plus la femme, elle laisse les protéines fuir, et donc la pression osmotique diminue, surtout dans la prééclampsie sévère, et donc elle est susceptible de faire un OAP. Surtout, il est dans le postpartum. Le rein aussi, il est touché à cause de cette vasoconstriction. Il y a une diminution du débit sanguin rénal. Il y a une augmentation de la créatine qui est tardive et mauvais pronostic. Et il ne faut pas attendre une augmentation de la créatine pour dire que cette femme est en train de faire de l'insuffisance rénale. Déjà, les chiffres de la créatine chez la femme enceinte sont autour de 5, 6, pas plus. Déjà, quand on arrive à 9, c'est pas normal. Alors que généralement, dans la population générale de 9, ça ne fait pas du tout avec les fonds de créate, non. Donc, créate très tardif. C'est quoi? C'est de la nécrose. La complication, c'est qu'on peut avoir de la nécrose tubulaire ou bien corticale avec une insuffisance rénale aiguë. Et on a vu que lorsque on laisse traîner ces fonctions rénales altérées chez la prééclamptique, et quand on ne fait pas l'extraction, on peut arriver à l'insuffisance rénale. Après l'insuffisance rénale qui va évoluer pour son propre. Histologie. physiologiquement, elle est un peu typique. C'est une endothéliose glomérulaire avec des dépôts de fibrine en intravasculaire. Maintenant, il y a une autre atteinte qu'il faut connaître aussi, c'est ce qu'on appelle l'atteinte hépatique. L'atteinte hépatique, c'est généralement, elle est dominée par ce qu'on appelle le HELLP syndrome. Mais c'est une micro-angiopathie qui se définit, donc l'hémolyse du HELLP, on va voir sa définition. L'hémolyse du HELLP, c'est le passage des hématies dans des vaisseaux de petit calibre, donc ils sont complètement déformés, ils ont un aspect particulier en microscopie, c'est ce qu'on appelle des schizocytes. Il y a l'atteinte hépatique qui est due à la nécrose périportale, et nous avons la thrombopénie qui est due à une consommation ou bien de la destruction périphérique. Et donc ce HELLP, qui est une complication hépatique donc, de cette prééclampsie, il faut le diagnostiquer et il faut le prendre en charge. Le diagnostiquer comment? Ce qu'il faut savoir que le HELLP, il complique jusqu'à 14% des formes sévères. Il survient chez des femmes âgées et multipares. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les 70% des HELLP surviennent en antipartum et 30% dans le postpartum. Ça veut dire que même quand elle accouche, cette dame, c'est pas fini, même dans le postpartum, ça mérite une surveillance. 50% des HELLP sont associés à l'éclampsie, pour vous dire que c'est une atteinte multiviscérale et donc vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous pouvez avoir chez la même dame, elle fait l'atteinte rénale, elle a convulsé, elle fait le HELLP syndrome et elle fait son HRP. Donc, 10% de femmes n'ont pas de protéinurie et d'HTA au début, mais il faut savoir qu'après elles apparaissent. Et ce qu'il faut savoir aussi qui est important, c'est que la définition, elle est purement biologique. Il n'y a pas un signe clinique qui va nous dire « cette dame, elle est en train de faire un syndrome ». C'est de la biologie et il faut toujours y penser, surtout devant des signes digestifs non spécifiques. Une femme enceinte au troisième trimestre qui vomit, qui a des nausées, qui a une douleur épigastrique ou de l'hypochondre droit, il faut penser à rechercher un HELLP. Une femme qui vomit au troisième trimestre, ce n'est pas normal. Elle a le droit de vomir au premier trimestre. Normalement, 3 mois, c'est fini. Au troisième trimestre, il faut accorder de l'importance à des nausées, à des vomissements, à une douleur épigastrique et non pas dire c'est une gastrite, à des douleurs de l'hypochondre droit. Alors, si je définis elle, c'est un acronyme et sa définition, elle est dans tous ces éléments. Regardez, HE2LP, c'est l'hémolysis, le H pour hémolyse, et on l'a défini comment l'hémolyse. Il faut avoir une bilirubine supérieure à 12 mg par litre, la présence de schizocytes sur protéines sanguines et une LDH supérieure à 600. Ces trois éléments qui définissent une hémolyse, et il faut savoir que vous pouvez avoir 2 éléments pour dire qu'il y a hémolyse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 3. Alors, elevated liver enzymes, c'est-à-dire la cytolyse, les transaminases hépatiques élevées, supérieures à 70, et nous avons une thrombopénie. Thrombopénie avec un taux de plaquettes supérieur à 100 000. Ça, inférieur à 100 000. Après, Sibaï avait défini comme ça et Martin avait donné plus de précision. Il a dit qu'il l'a classé en 3 classes. Et les 3 classes, c'est suivant le taux de plaquettes. La classe 3, entre 100 et 150 000, ce n'est pas un souci pour nous. La classe 2, c'est entre 50 000 et 100 000. La classe 1, pardon, c'est un taux de plaquettes inférieur à 50 000. Et c'est réellement ce qui pose problème. Quand vous avez une femme avec un taux de plaquettes inférieur à 50 000, le risque de saignement, il est présent. Alors, pourquoi on a peur du HELLP? On a peur du HELLP parce que sa complication qui est mortelle, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'hématome sous-capillaire du foie. C'est un hématome qui est dans la capsule de Wilson. Et donc, lorsque il est non rompu, généralement c'est un traitement conservateur. Il faut corriger les anomalies de l'hémostase et il faut corriger les anomalies de la hémostase, stabiliser la pression artérielle et bien sûr, on fait une surveillance échographique. Il faut savoir qu'on peut le voir aisément sur une échographie. Maintenant, si on n'arrive pas à le voir sur une échographie, on peut faire un scan. Mais sachez qu'une échographie qui retrouve un hématome sous capsulaire toutefois, c'est amplement suffisant. Ce n'est pas la peine d'aller déplacer les femmes instables pour aller faire un scanner pour confirmer quelque chose qui a déjà été vu sur l'écho. Maintenant, quand il est rompu, ça pose problème. Pourquoi ? Quand il est rompu, bon, c'est vrai qu'il faut maintenir cette hémodynamique. Parce que le moindre pic hypertensif, ça permet donc de saigner encore. Corriger les anomalies de l'hémostase et faire généralement une hémostase chirurgicale. Et l'hémostase chirurgicale, quand on a des soucis donc de hématose capsulaire, elle n'est pas toujours facile. Parce que d'abord, il faut avoir le chirurgien qui sache le faire. C'est quand même de la chirurgie hépatique. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on a comme généralement mettre un packing ou bien essayer de ligaturer. Le problème, le foie de la pré-éclamptique, c'est pas le foie, par exemple, du n'importe quel traumatisme. C'est un foie qui est sain. Après un accident, ils peuvent toujours faire quelque chose. Un foie de la pré-éclamptique, il est malade dans son ensemble. Et la moindre manipulation, ça permet la rupture et ça permet donc de rompre ce foie. C'est pour ça que lorsque on a un HELLP syndrome, l'échographie, on la fait systématiquement à la recherche d'un éventuel hématome sous-capsulaire. Parce que quand vous le recherchez systématiquement et que vous le trouvez, généralement, vous prenez vos précautions, attention aux troubles de l'hémostase, attention à l'équilibre de la pression artérielle et attention à ne pas trop manipuler donc cette femme pour éviter la rupture. Maintenant, l'autre atteinte, c'est l'atteinte neurologique et la plus connue, c'est l'éclampsie. C'est quoi une éclampsie? C'est une convulsion, une convulsion généralement généralisée, et ou un trouble de la conscience dans un contexte de pré-éclampsie en l'absence d'un problème neurologique antérieur. Vous pouvez avoir une femme qui vient consulter au pavillon des urgences pour convulsion. Et vous n'avez rien d'autre avec. Il faut savoir diagnostiquer une éclampsie. Même plus, je vous dirais que toute éclampsie, toute convulsion chez une femme enceinte doit être considérée comme éclampsie jusqu'à preuve du contraire. Même si vous ne la connaissez pas la femme, elle vient, elle convulse, elle est enceinte, vous considérez que pour l'instant, pour moi, c'est de l'éclampsie. Je vais traiter comme éclampsie. Ensuite, on va voir. Alors, assurez-vous qu'il n'y a pas un antécédent neurologique. Et attention, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est l'épilepsie. Beaucoup de femmes ont une épilepsie et elles la cachent. Et généralement, pendant la grossesse, elles arrêtent leur traitement et pendant la grossesse, bien sûr, nous avons une déstabilisation de la maladie. Donc, c'est une convulsion, un trouble de la conscience qui survient dans un contexte de PE, en l'absence d'un problème neurologique antérieur. C'est une complication majeure de la pré-éclampsie. Pourquoi? Parce que, regardez le risque. Le risque, c'est une hypoxie maternelle et fœtale. Et le deuxième risque, c'est l'inhalation. Une dame qui convulse, une fois, si on n'arrête pas la convulsion, généralement, c'est des femmes qui convulsent. Elles commencent à convulser à la maison, pendant le transport, à l'entrée de l'hôpital, à l'entrée d'une box de consultation. Et donc, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est une hypoxie maternelle. Donc, vous pouvez avoir un problème cérébral, mais aussi fœtal. On sait très bien qu'il y a... Il n'y a pas d'autorité. Directement, l'hypoxie qui est ressentie chez la mère, elle est directement, tout de suite ressentie chez l'enfant, et on peut avoir une forme de terreau sur le cou. Il y a aussi l'inhalation. Toute femme enceinte est considérée comme estomac plein, même si elle n'a pas mangé. Maintenant, si elle a encore mangé, à la moindre convulsion, elle fait une aline, c'est-à-dire elle peut vomir dans ses branches, et le problème, on va avoir de la pneumopathie d'inhalation. Même si on règle le problème de la pré-éclampsie, on aura les soucis de la pneumopathie d'inhalation. Alors, physiopathologiquement, généralement, c'est une poussée hypertensive. Elle convulse parce qu'elle fait une poussée hypertensive qui va entraîner un œdème vasogénique par forçage de la membrane hématoencéphalique. Il y a une adaptation vasculaire qui est diminuée. On a dit que c'est avec un problème de l'hémodynamique. Adaptation vasculaire diminuée à cause de cette dysfonction endothéliale, et donc il y a une perte de l'autorégulation. Elle fait un pic, il y a un œdème qui se crée par forçage, et donc la dame convulse. Et les lésions, généralement, elles sont postérieures. Cliniquement, qui sont les femmes qui convulsent? Bon, il faut savoir que c'est une incidence en Europe. Regardez, l'incidence, elle est vraiment caricaturale. 2,5 pour 100 000 naissances en Europe et 7%. Alors en Europe, on parle de 100 000 naissances et chez les sous-développés, on parle de 7%. Sachez que parce qu'on n'accorde pas de l'importance, on ne sait pas diagnostiquer une femme qui va convulser. Alors, la mortalité périnatale, elle est très importante, 56,3 jusqu'à 266 pour 1000 naissances. Pour vous dire que c'est vraiment important. Quand on arrive à sauver la mère, l'enfant, dans plus de la moitié des cas, il passe. Alors, il y a de la prématurité induite, surtout quand on n'a pas donné une corticothérapie préventive. Quels sont les facteurs de risque? C'est qui les femmes qui convulsent? On a dit le L, c'était la multipare et les femmes plus âgées. L'éclampsie, celle qui convulse, eh ben non, c'est la femme plus jeune, inférieure à 20 ans. C'est des femmes qui ont 19, 20, 21. C'est des primigestes qui ont un mauvais suivi de la grossesse et qui sont obèses. Ce que j'ai envie que vous reteniez, même si vous oubliez tout, c'est que l'éclampsie, il y a des prodromes. Il y a certains éléments auxquels il faut accorder de l'importance pour éviter que la dame convulse. Et c'est ce qu'on appelle des prodromes, ou des signes prémonitoires. Les prodromes, c'est les céphalées. C'est une dame qui a mal à la tête, une dame qui a des troubles visuels, elle vous dit, je vois flou, j'ai un bourdonnement d'oreille, et elle a des réflexes ostéotendineux vifs. Vous prenez le rotulien, ça monte, c'est polycinétique. Donc c'est des femmes qui vont convulser et la convulsion est imminente. L'intérêt de donner un traitement préventif qu'on va voir tout à l'heure avant qu'elle ne convulse. Donc, c'est les femmes plus jeunes, donc dans un contexte de pré-éclampsie, c'est des femmes qui présentent des prodromes. Maintenant, une femme qui a convulsé, est-ce qu'on va systématiquement lui faire une imagerie cérébrale? Eh bien, non. C'est-à-dire que quand elle convulse, il va falloir commencer à traiter. Ensuite, vous allez réfléchir à l'imagerie. Quand est-ce qu'on fait une imagerie? C'est la femme qui a convulsé. Quand elle se réveille, on se rend compte qu'il y a persistance des troubles de la conscience. Il n'y a pas, elle ne se réveille pas entre les deux crises. Il y a persistance des troubles de la conscience. Il y a des troubles neurologiques en foyer, c'est-à-dire elle se réveille, vous vous rendez compte qu'elle ne peut pas bouger un bras, une main, il y a une anisocorie, ça justifie une imagerie. Ou bien chez une femme qui, sous traitement bien conduit, sous traitement, on est contraint de la traiter et elle continue à convulser, là, l'imagerie s'impose. Parce qu'il faut aller chercher, trouver ce diagnostic différentiel. Peut-être que ce n'est pas une convulsion d'une éclampsie, peut-être c'est de l'hémorragie cérébrale, peut-être c'est de l'AVC ischémique, et peut-être que c'est une thrombose veino-cérébrale qui survient fréquemment sur ce terrain. Donc, quand on fait un examen clinique, alors ce qu'il faut rechercher chez ces femmes, une prééclamptie donc qui convulse. L'examen clinique, il faut toujours, je vous ai dit, je vous ai donné les définitions de l'hypertension artérielle, c'est pour pouvoir les utiliser et voir devant quel type de pression artérielle on est. Est-ce que c'est de la chronique? Est-ce que c'est de la gestationnelle? Ou est-ce que c'est de la prééclampsie? Ensuite, certains facteurs pronostiques comme la HRP. Ensuite, il faut rechercher des signes de gravité de cette prééclampsie. La protéinurie, elle est significative si on a dit supérieur ou égal à 300 mg par 24 heures. Mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'une protéinurie de 24 heures, c'est comme son nom l'indique, il faut 24 heures pour recueillir les urines pour faire la protéinurie. Mais moi, je ne vais pas attendre 24 heures. Je vais faire tout bêtement un lactique et je vais voir combien de croix j'ai. Plus de 2 croix, j'ai le droit de dire que c'est de la prééclampsie. Ensuite, si vous voulez vérifier par une protéinurie, vous avez le droit. Les œdèmes. Est-ce qu'on accorde de l'importance aux œdèmes? Sachez que œdèmes du ventre inférieur seul chez une femme enceinte, les œdèmes prennent de l'importance lorsque ils sont dans les régions déclives, c'est-à-dire les mains et le visage, lorsque ils sont d'apparition rapide. C'est là où on va leur accorder de l'importance et on va dire que c'est des signes de gravité. Quand ils sont bien sûr des œdèmes associés à de la protéinurie et de l'HTA. Neurologiquement, il faut toujours rechercher les réflexes ostéotendineux vifs, parce que des réflexes vifs, ça veut dire que je dois mettre un traitement tout de suite. Et bien sûr, chez l'enfant, la diminution des MAF, le RCF, et diminution donc généralement, ce sont les anomalies de l'RCF, sont des alarmes, c'est des éléments de surveillance donc, auxquels il faudra accorder de l'importance. Quelle biologie je vais faire chez cette femme enceinte? Il nous faut un premier bilan. Il faut. Alors, la glycémie, l'urétrate, toute la fonction, la biochimie avec surtout la fonction rénale. Avant, on nous disait fond d'œil. Bon, je l'ai laissé, mais il faut savoir qu'actuellement, il n'a pas beaucoup d'œil. C'est juste dans l'exploration de la scie. Quand on arrive à hospitaliser la femme pour voir un peu le retentissement, c'est de l'HTA chronique. La numération globulaire et plaquettaire, il faut avoir une formule pour voir à quel taux de plaquettes on est. Est-ce qu'on est dans la classe 1, 2, 3 et il faut voir aussi l'hématocrite, parce que l'hématocrite est un bon reflet de la concentration. C'est un excellent reflet donc de la volémie. Il faut faire l'hémostase, une uricémie. Sachez que l'uricémie, quand elle est élevée, un seul dosage ne veut rien dire, mais on accorde de l'importance à plus de dosage que à la cinétique. Et bien sûr, l'échographie, elle est importante. C'est le problème des gynécos pour déterminer le terme, rechercher l'hypotrophie et la quantité de liquide amniotique. Traitement. Alors, le traitement de la prééclampsie, il faut savoir que l'hypertension impose une surveillance attentive de la femme. Il faut informer les femmes, leur expliquer certains signes, leur expliquer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Les consultations, les orienter dans des consultations spécialisées et les hospitaliser lorsqu'il faut. Les parturientes à haut risque, les consultations, elles sont mensuelles, pendant les grossesses et elles sont hebdomadaires à partir de 34 semaines. S'il y a le moindre signe de gravité, il faudra hospitaliser la femme parce que l'éclampsie est généralement imminente. Elle est imprévisible. Le traitement d'une forme grave, il nécessite une coopération entre anesthésiste-réanimateur, obstétricien et néonatologiste. Alors, ça commence par de l'hypertension artérielle. Et on a dit que l'hypertension artérielle faisait partie du tableau clinique, c'est un élément des éléments. Et donc, mais le pic hypertensif, il va falloir le traiter, le pic hypertensif. Pourquoi? Pourquoi on traite le pic hypertensif? Parce que, pour éviter ce risque de complications aiguës chez la mère et qui sont, à l'occasion d'un pic hypertensif, surtout s'il est associé à une thrombopénie, la mère peut faire une hémorragie cérébrale, elle peut faire une éclampsie, comme elle peut faire un edème aigu du cou. Pour ces trois raisons, on est obligé de traiter le pic, de faire baisser un tout petit peu. 50% des décès maternels sont de cause cérébrale. Généralement, c'est cette hémorragie cérébrale qui les tue. Sachez qu'il y a une relation linéaire entre pression artérielle et éclampsie. Plus elle monte, plus il y a un risque qu'elle convulse. Chez l'enfant, évitez aussi les accouts hypertensifs parce que lorsque, dans l'hypertension, on tenait un pic brutal, le risque, c'est un décollement placentaire. Il se décolle, il peut mourir, c'est l'HRP. Et lorsque on fait trop baisser aussi la pression artérielle, une pression artérielle basse, ça entraîne aussi une mort fœtale. Parce que il faut maintenir une certaine pression artérielle. Vous savez, on a dit que les vaisseaux étaient de petit calibre. Si jamais on baisse, il nous faut un débit. Si on baisse la pression artérielle, le fœtus n'est plus alimenté et on aura une mort fœtale. Donc, dans les deux cas, pas de pic et pas de chute trop importante, parce que dans les deux cas, on peut avoir une mort fœtale. L'objectif, c'est d'avoir une pression artérielle en 90 et 105 de diastolique et une moyenne, si on veut travailler avec la moyenne. La moyenne, c'est 105-125 pour maintenir, déjà pour éviter que la dame ne présente ses complications et aussi pour éviter ces histoires chez l'enfant. Donc, jamais vite, j'ai mis, jamais vite. N'essayez pas de baisser la pression artérielle d'une manière rapide. Jamais fort, tout de suite. Et donc, il faut juste, si vous voulez normaliser une pression artérielle, attention, c'est très dangereux. Alors, là, je vous renvoie aux recommandations de l'ASFAR, comment juger une pression de l'hypertension artérielle. Et donc, tout dépend des chiffres de la pression artérielle systolique et moyenne. Si vous avez une moyenne qui est supérieure à 140, on va mettre un bolus de nicardipine, puis une perfusion, on continue. Maintenant, si on a une PAM inférieure à 140, on y va directement avec la perfusion continue, on ne met pas de bolus. Toujours évaluer 30 minutes après et voir si la pression, la moyenne, elle est entre 100 et 120, on va poursuivre le traitement. Sinon, si elle reste toujours élevée, on va rajouter un deuxième élément. Le deuxième élément, dans les pays qui ont de la bétolol, c'est de la bétolol, c'est un alpha et bêta bloquant qui a très peu d'effets secondaires chez l'enfant. Il permet donc, c'est pour donner une bithérapie. Maintenant, comme nous, on n'a pas, on essaye de rajouter de la clonidine. Mais il faut savoir que les dangers de la clonidine, c'est que c'est vrai qu'elle baisse la pression artérielle, mais son danger essentiel chez la femme enceinte, c'est la sédation. Et on ne veut pas de la sédation chez la femme enceinte. Parce que une sédation, ça veut dire on peut confondre avec les troubles de la conscience et on va se retrouver en train de courir. On va dire qu'elle fait un trouble neurologique et donc il faut faire une imagerie. Donc, vous comprenez pourquoi, quand on veut traiter, mais jamais quelque chose qui sédate une femme enceinte. Il faut qu'elle reste réveillée, vigilante. Déjà réveillée pour protéger ses voies aériennes, contre l'inhalation et réveillée pour faire la part des chances entre par exemple la survenue d'un éventuel trouble de la conscience. L'hémodynamique, on sait qu'il y a de la vasoconstriction généralisée et théoriquement, logiquement, il y aurait de l'hypovolémie. Et quand on a de l'hypovolémie, aussi la logique voudrait que ça soit qu'il faut faire du remplissage. Le problème, attention au remplissage chez cette femme, c'est qu'il a été noté qu'il améliore, mais d'une manière transitoire, l'hémodynamique de la femme enceinte, mais qu'on voit avec ce remplissage, on voit apparaître un œdème aigu du poumon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et la morbidité, elle est importante. Donc, remplissage, pas trop, il vaut mieux la laisser sur le versant sec. Maintenant, en pratique, quand est-ce qu'on va mettre un remplissage? Lorsque on a une chute brutale de la pression artérielle quand on commence quand on introduit les médicaments vasodilatateurs. Il arrive que lorsqu'on a un pic hypertensif et qu'on met en route un traitement vasodilatateur, la pression artérielle chute, là on a le droit de remplir un peu. Ou bien lorsqu'on a une hypovolémie manifeste, c'est-à-dire c'est des femmes qui font de l'oligodine, ou bien lorsqu'on fait une formule, vous allez trouver un hématocrit très élevé, ça veut dire que quand même il faut remplir un peu. Quel soluté? C'est le meilleur soluté chez la femme enceinte, reste le brigère lactate. Nous, on n'a pas, on met du sérum salé. Il faut savoir que aussi le bon remplissage chez la femme enceinte, c'est de la vitamine 4%, parce que les cristalloïdes vont directement, vous mettez les cristalloïdes et ça va dans l'interstitium. Et on préfère mettre de l'albumine à 4%, pas l'albumine à 20%. Si vous avez du 20% à un petit flacon, vous la diluez dans 500 cc de sérum. Quand est-ce qu'on juge l'efficacité du remplissage? Bien sûr, par la pression artérielle, la fréquence et la saturation avec reprise de la diurèse. Et j'insiste saturation parce que quand ça commence à crépiter, vous n'allez pas vous rendre compte, mais la saturation va vous donner une idée sur déjà ce qui se passe dans les poumons. Alors, le traitement du HELP, je vais essayer de faire vite. Alors, le HELP, il faut savoir que c'est une. Le HELP, c'est une. Ils sont généralement, ces femmes, transférés dans des maternités de référence, parce que le problème, le HELP, on sait que le meilleur traitement, le seul et unique, reste l'extraction peut-être. Le problème qui se pose quand est-ce qu'il faut faire l'extraction. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un terme supérieur à 34 semaines, c'est on fait une extraction immédiate. On considère que l'enfant, il est viable, il y a une maturité pulmonaire fœtale. Parce que le problème de la prééclampsie, c'est quand ça survient avant 34 semaines, il faut faire l'extraction, mais on sait très bien que quand on extrait l'enfant, il est le problème qui se pose, c'est le problème de prématurité. Ils vont faire les maladies, les détresses respiratoires, la maladie des membranes myélines. Et donc, on essaie toujours de réfléchir quant à l'extraction pour essayer de le garder le plus longtemps possible dans le ventre de sa mère pour qu'on n'ait pas ce problème de prématurité. Mais il arrive que la mère, elle est vraiment dans un état grave et qu'il faut faire l'extraction. Lorsqu'elle est supérieure à 34, généralement, on n'a pas beaucoup de soucis. Il faut programmer l'accouchement, elle accouche. Maintenant, lorsqu'on a un HELP syndrome avec une atteinte viscérale, là aussi il faut faire l'extraction. Un HELP avec une éclampsie, avec un HRP, avec une insuffisance rénale, avec un hématome hépatique, altération du RCR, il faut faire l'extraction fœtale et quel que soit le terme de la grossesse. Quand c'est inférieur à 34, il y a deux attitudes. Il y a des gens qui préfèrent la conservation, c'est-à-dire prolongation de la grossesse, moyennant une surveillance armée et stricte. Et il y a d'autres qui vous disent « Je préfère faire l'extraction fœtale parce que la mère, elle est en danger. » Et bien sûr, la prématurité, dans ce cas, elle va être sévère. Et là, c'est des écoles. Chacun comment il fait. Et tout dépend des moyens de surveillance qu'on a pour la mère. Nous n'avons pas le droit, sous prétexte de la prématurité, de dire « Je laisse parce que c'est un enfant » qui va naître prématurément et mettre la vie de la mère en danger. Quel que soit X, c'est la mère qui prie. Bien sûr, toujours dans le HELP syndrome, privilégier la voix basse, parce que on va faire des accouchements avec un taux de plaquettes qui est bas et parfois avec de la coagulation intravasculaire disséminée. Et quand ça commence à saigner, ça ne s'arrête pas. Il vaut mieux faire un accouchement par voix basse, parce que la césarienne, à tout ça, vous allez rajouter là les cicatrices de la paro, plus l'hystérotomie, tout ça, c'est du saignement en plus. Alors, là on a dit, oui. Alors, prolongation de la grossesse, j'ai dit qu'elle était controversée. Il faut savoir que pour les gens qui préfèrent, qui optent pour la prolongation de la grossesse, il faut savoir que ces complications, elles peuvent survenir d'une manière très rapide et imprévisible, sont comme l'HRP, l'OAP et l'éclampsie. On peut avoir une mort carrément in utero et un décès maternel. Donc, vraiment, quand on opte pour la surveillance, il faut faire très attention. Là, si on a un taux de plaquettes, alors dans le N, puisqu'il y a une thrombopénie, généralement, lorsque la thrombopénie, la classe 1, lorsque la thrombopénie, elle est inférieure à 50 000, c'est là où on va préparer des plaquettes pour l'accouchement ou bien si on fait une césarienne avant l'intubation. Sachez qu'on ne donne pas des plaquettes comme ça dans le L parce que ça ne sert à rien, ils sont tout de suite détruits. On garde les plaquettes pour l'accouchement quand c'est bien sûr inférieur à 50 000, pour l'accouchement ou surtout pour la césarienne. La césarienne, parce que la césarienne, elle va se faire obligatoirement sous anesthésie générale. Et l'anesthésie générale, il y a une intubation. Et il faut savoir que lorsqu'on intube, si on provoque une intubation, elle est douloureuse. Si on provoque un pic hypertensif avec une thrombopénie, facilement, on peut aboutir à une hémorragie cérébrale. Donc, on va laisser les plaquettes juste avant l'intubation. Donc, si vous avez un HELP, si vous n'envisagez pas de césarienne ni rien du tout, ça ne sert à rien d'aller courir et chercher des plaquettes. Alors, le PFC, quand est-ce qu'on le donne? S'il y a une hémorragie qui est active, on la voit, avec un TP inférieur vraiment à 50. Les cloculoglobulaires, on va les donner quand l'hémorragie, quand l'hémolyse est importante. Là, on s'en fout. On a dit que pour l'hématome sous-capsulaire, quand il n'est pas rompu, on va corriger les anomalies de l'hémostase et la thrombopénie avec une surveillance échographique. Maintenant, quand il est rompu, c'est maintenir une hémodynamique correcte, corriger l'hémostase et faire une hémostase chirurgicale. L'éclampsie, alors, l'éclampsie, c'est d'abord la première règle, c'est d'éviter les baisses trop rapides de la pression artérielle. Pour celui qui veut avoir chez une prééclamptique un 12-13 de pression artérielle, vous avez tort. Une pression, on vous dit, diminuez-la un petit peu pour que cette femme ne convulse pas, ne fasse pas d'hémorragie cérébrale et ne fasse pas de voile. Sinon, les baisses rapides qui entraînent l'hypotension, ça fait aussi, ça donne des convulsions. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la femme enceinte qui convulse? D'abord, il faut l'oxygéner. L'oxygénothérapie, elle est impérative. C'est des femmes chez qui il faut assurer la liberté des voies aériennes. Vous l'avez fait en sixième année, comment faire une liberté des voies aériennes? Position latérale de sécurité. C'est une dame qu'on met sur le côté. Déjà, vous mettez tout le monde en position latérale de sécurité. Tout malade inconscient et qui respire, généralement, on le met en position latérale de sécurité pour éviter l'inhalation. La femme enceinte, c'est encore, elle a un double, il y a une double rôle. Cette position latérale de sécurité qui va éviter l'inhalation et puis ça permet de la mettre en décubitus latéral pour la perfusion utéro-placentaire qui va se faire correctement. Alors, quelle anticonvulsive? Bien sûr, j'ai oublié qu'il fallait y mettre une voie d'abord. Oxygène, position latérale et voie d'abord. Ensuite, il faut impérativement mettre l'anticonvulsivant. L'anticonvulsivant, nous avons deux choses. Soit qu'on met des benzodiazépines, soit c'est le sulfate de magnésium. Le sulfate de magnésium est considéré actuellement comme le traitement de référence. Il ne donne pas de sédation, il maîtrise parfaitement les convulsions de l'éclamptique. Mais le sulfate de magnésium, pour le préparer, il faut du temps. Parce que je vais vous donner la dose et vous allez voir qu'il faut un certain temps pour. Et nous, quand on arrive et qu'on voit la dame, elle est en train de convulser, il faut essayer d'arrêter la convulsion. Et pour l'instant, le meilleur traitement pour arrêter la convulsion, ça reste les benzodiazépines, le diazépam. Donc, si on arrive et on assiste à la convulsion, c'est une ampoule qu'on casse, qu'on met dans une seringue, ça prend 30 secondes et on envoie. Et donc, ça vous permet d'arrêter une convulsion. Maintenant, si on vous dit qu'elle a convulsé, vous vérifiez que réellement c'est une convulsion, là, ce n'est pas la peine de donner les benzodiazépines. Il faut commencer à préparer votre surface de magnésium avant qu'elle ne fasse la deuxième convulsion. Alors, indication, il est indiqué pour prévenir déjà la récidive. Chez la femme qui a convulsé, on le donne pour prévenir une deuxième, ou bien carrément pour prévenir la première crise. Ça veut dire. C'est une dame qui est là avec ses signes prémonitoires. Elle a les céphalées, elle a la barre épigastrique, elle a les troubles visuels et elle a les réflexes ostéotendineux vifs. celle-là, elle va pas tarder à convulser. Et donc, je lui donne son sulfate pour éviter qu'elle ne convulse. Alors, le dosage, regardez le dosage. Il faut donner 4 grammes en 20 minutes, puis une perfusion de 1 à 2 grammes jusqu'à 3 grammes par heure, pour vous dire que ça prend du temps pour le donner. Déjà, pour préparer 4 grammes, la perf, il met 100 cc en perfusion, tout ça c'est dû, c'est pour ça qu'on utilise le valium. Maintenant, quand elle a convulsé, donc 4 grammes en 20 minutes, ensuite on va mettre une seringue électrique. La surveillance, c'est les réflexes ostéotendiniques et la présence respiratoire. Impérativement, il faut le surveiller parce que la dose toxique et la dose thérapeutique sont très proches. Nous avons deux éléments cliniques très simples pour surveiller. Ce qu'il faut connaître quand on s'aventure pour donner le sulfate de magnésium, il faut le donner, c'est très bien, mais il faut connaître ces signes de toxicité. Alors, toxicité, c'est la réflexie, vos réflexes qui étaient vifs. À un certain moment, ça devient normal, et à un certain moment, ça devient, il n'y a pas du tout. Attention, pas de réflexe. Abolition de réflexe, ça veut dire que c'est un signe d'intoxication, et c'est un signe qui est très précoce. La faiblesse musculaire, les nausées, vomissements, la somnolence, la diplopie. Après, bien sûr, on arrive à l'arrêt respiratoire et à l'arrêt cardiaque. Impérativement, il faut connaître les signes de toxicité. Le traitement, c'est le gluconate de calcium. Ça veut dire que quand on reçoit des éclamptiques, normalement, dans chaque pavillon des urgences, vous n'êtes pas obligé d'être en maternité, sulfate de magnésium. Connaître les signes de toxicité et avoir du gluconate de calcium pour antagoniser si jamais il faut antagoniser. Alors, malade avec un score de Glasgow inférieur à 9, c'est une intubation. C'est une anesthésie générale avec intubation. Si le coma persiste, signe de localisation, les convulsions sous sulfate, bon, on va aller faire une imagerie. Et généralement, on peut retrouver de l'œdème cérébral comme on peut retrouver un diagnostic différentiel, c'est-à-dire une thrombose veineuse cérébrale ou bien un AVC, qui soit hémorragique ou ischémique. Qu'est-ce qu'on fait pour le rein? Eh bien, pour le rein, c'est la même chose que ce que vous avez l'habitude de faire pour les reins. La seule chose, c'est que j'insiste sur une chose, c'est que lorsque vous avez un bilan rénal altéré, faites attention à l'expansion volumique, attention, et parce qu'il y a un risque d'OAP, il y a un risque d'épanchement pleural massif, ça va vous donner la syphilis, et attention aussi au sulfate de magnésium. Il risque d'y avoir un surdosage. Et dans la pré-éclampsie, tout comme il y a la convulsion, il peut y avoir l'insuffisance rénale, vous pouvez les retrouver. Ce qu'on vous demande, c'est que si jamais il y a convulsion, il y a une insuffisance rénale, vous donnez les 4 grammes et vous ne mettez pas la seringue en continu. Voilà ce qu'il faut. Les diurétiques, on a le droit de les donner, mais on les donne dans le postpartum, pas avec un enfant unitéro, parce qu'on risque de les assécher, et la mère et l'enfant. Ça, c'est les signes d'extraction, les éléments qui nous conduisent à faire une extraction fœtale, ou bien à discuter une extraction fœtale. Ça, c'est les recommandations de la SPA. Lorsqu'on a une hypertension sévère non contrôlée par le traitement antihypertenseur, quand on a une éclampsie, un œdème, un HRP, une oliguria, douleur épigastrique, un L, une créate élevée, ou bien des signes en relation avec le fœtus, avec le manigba, l'oligoaminos, les décélérations, tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent donc de discuter une éventuelle extraction fœtale. Et quand je dis discuter, personne n'a le droit de tout seul de poser l'indication d'une extraction, c'est de la dissertation, c'est de l'interdisciplinarité, c'est de la discussion entre tout le monde, c'est-à-dire et le gynéco, et le réanimateur, et le pédiatre néonatologiste. Alors, bon, l'accouchement, c'est juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui pose problème? Lorsque la dame a fait une... Généralement, nous avons une situation. Lorsque la dame fait sa mort in utero, il faut faire un déclenchement du travail. Généralement, on le fait par les postpartumtiques et on essaye de la faire accoucher par voie basse à tout prix. Maintenant, lorsque le terme est supérieur à 34 et que l'enfant est vivant et il est viable, le mode d'accouchement va dépendre de l'état de la mère. Il faut faire l'extraction, mais on va voir comment est l'état de la mère. Est-ce qu'elle supporte l'accouchement par voie basse et l'épreuve du travail, ou bien il faut carrément faire une césarienne. Maintenant, quand on a un terme inférieur à 28 semaines, généralement, c'est un enfant qui est vivant mais non viable. Il faut faire une interruption parce que l'état de la mère prime. Le problème, il se pose entre 20 et 34 semaines avec le risque de prématurité et là, avec le risque donc le risque de maladie des membranes hyaline. Et en absence, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? En l'absence de signes vraiment de gravité, quand on a une bonne surveillance, on essaye de surveiller la mère correctement et essayer de gagner quelques heures, voire même quelques jours, et bien sûr donner de la corticothérapie pour la maturité pulmonaire fœtale. Essayez, plus on gagne, même si on gagne la moitié d'une journée, c'est bon pour l'enfant. Dans la prise en charge postpartum, j'ai presque fini. Alors, postpartum, il faut savoir que dans le postpartum, une fois même, quand elle accouche, c'est très gentil, et le risque de complication, il reste encore pendant au moins 72 ans. Donc, à cause déjà de ces liquides, de ce transfert déjà des liquides dans le postpartum, de l'interstition vers les vaisseaux, il y a un risque d'OAP, il y a un risque d'éclampsie et 30% des femmes font un HELLP syndrome. Alors, je dirais juste que pour la surveillance, elle va jusqu'à 72 heures de ces femmes. Pour la pression artérielle et l'hypertension, on va garder notre traitement IV. Ensuite, tout de suite, il faut passer à la voie orale. Donc la maladie est réglée, il n'y a pas de problème. Les seuils admis, c'est 160-180. L'éclampsie, sachez que 30 à 40% survient dans le postpartum. Donc attention, il va falloir la surveiller, la guetter. Il faut savoir qu'il y a même des éclampsies qui sont apparues tardivement après l'accouchement. Accorder de l'importance au prodrome pour pouvoir, bien sûr, instaurer une prophylaxie. Et le HELLP, 30% apparaissent dans le postpartum. Donc, là aussi, il faudra le rechercher. L'OAP et, bien sûr, la prophylaxie thromboembolique. On sait qu'il y a une activation de la coagulation et que ces femmes font facilement une thrombose veineuse. Et donc, il faut les mettre sous un traitement anticoagulant. Mais, parce que regardez, il y a de la protéinurie majeure avec l'hypoalbuminémie, diminution de l'antithrombinoïne et de la protéine C. Et tout ça, ça favorise donc l'événement thromboembolique. Mais, événement thromboembolique, ça veut dire qu'il faut mettre de l'héparine. Et en mettre l'héparine, généralement les plus utilisés, c'est les HVPM. Attention, nous sommes dans un cadre de pré-éclampsie. Souvent, il y a une thrombopénie. Et la thrombopénie, pas d'HVPM. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va guetter cette augmentation des taux de plaquettes. On va le surveiller. Tous les jours, une formule. Une fois que ce taux arrive à 90 000, on va mettre notre anticoagulant. Alors, pour terminer, j'ai deux places qu'il faut savoir. Longtemps, on a cru que la femme, c'était la grossesse qui pouvait donner justement cette pré-éclampsie. Là, depuis un certain temps, on a changé d'avis et on dit que la femme, elle est prédisposée à faire cette pré-éclampsie. Et ce sont ces femmes, les femmes qui font une pré-éclampsie, ce sont des femmes à risque de complications cardiovasculaires par la suite, ultérieurement dans la vie. Donc ce sont ces femmes qui vont faire ce qu'ils font, qui ont fait de la pré-éclampsie, qui vont faire l'AVC ischémique, le syndrome coronarien et passage à la hypertension artérielle chronique. Donc c'est des femmes qui font de la pré-éclampsie, c'est des femmes à risque. Pour vous dire, dans une grossesse normale, il y a une résistance à l'insuline. Il y a une hyperlipidémie, il y a une hypercoagulabilité, il y a un syndrome inflammatoire. Et donc, tous ces éléments, dans la pré-éclampsie, tous ces éléments, ils existent, mais non seulement ils existent, mais ils sont exagérés. Il y a une similitude avec un syndrome métabolique et les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est pour ça donc qu'elle est à risque. Il y a un risque de cardiovasculaire très élevé parce qu'elle fait un syndrome métabolique et des lésions vasculaires. Et dans cette étude qui est quand même assez récente, on vous dit que Elle a évalué et quantifié le risque d'événements cardiovasculaires chez la femme enceinte. Et donc, il s'avère que ces femmes ont un risque cardiovasculaire, un X ratio à 2, un risque cérébrovasculaire à 1,76 et un risque donc, d'évolution vers la chronicité de 3,13. Ça veut dire que ces femmes, ces pré-éclamptiques, sont des femmes à risque et donc c'est des femmes qui doivent être suivies. Et donc, normalement, lorsqu'on les a, lorsqu'on les traite pour pré-éclampsie, la moindre des choses, c'est de les avertir et de leur dire de faire attention, vous êtes à risque. Alors, pour conclure, je vais vous dire que généralement, la prise en charge de la pré-éclampsie est multidisciplinaire. Ce n'est pas l'apanage d'une seule personne. La prise en charge initiale adéquate améliore le pronostic. Tout dépend de la prise en charge initiale. Le non-suivi des grossesses, ça permet l'évolution vers les formes graves, parce que quand on suit correctement une grossesse, on voit les choses arriver. On voit une hypertension artérielle qui démarre, on voit des œdèmes, surtout s'ils sont pathologiques, qui démarrent. On va voir que c'est une dame qui a des céphalées d'après, ça fait un certain temps. On va voir que quand même, on a pris la pression artérielle, on a pris son poids, et on voit qu'elle a une augmentation rapide du poids, parce que cliniquement, les œdèmes, une augmentation rapide. C'est généralement, vous la pesez et vous voyez qu'en une semaine, elle a pris plusieurs kilos. Donc, un suivi correct des grossesses permet donc de diagnostiquer une forme, surtout une forme sévère. Il faut informer les parturientes, il faut qu'elles sachent ce que c'est. Le traitement antihypertenseur, il permet de diminuer les complications maternelles, que l'anticonvulsivant de choix reste le sulfate de magnésium. Il faut savoir le manier, il faut connaître son dosage, il faut connaître ses signes de toxicité et il faut savoir que le sulfate de magnésium est une compulsion, tout comme un pic hypertensif chez la femme enceinte. Ce n'est pas l'apanage du spécialiste. Même si vous êtes généraliste et que vous recevez, vous êtes tenu de corriger, de stabiliser sa pression artérielle, de contrôler ses convulsions pour pouvoir l'envoyer dans un service spécialisé. Et bien sûr, le seul et unique traitement, il n'y a rien d'autre, c'est l'extraction. Et je vous remercie.